Donc, oui, pour en revenir à ce dont nous parlions précédemment, je pense que nous sommes sur la mauvaise voie, n'est-ce pas? Une sorte de cul-de-sac dans lequel, si l'on s'y engage, rien, on va, comme qui dirait, droit dans le mur, hein, n'est-ce pas? C'est évident à l'heure actuelle, mais cela n'a pas toujours été pour tout le monde. Et c'est pour cette raison, bien que nous nous trouvons dans ce genre de situation aujourd'hui, nous n'avons pas su tirer les enseignements du passé. Je vous aime, femme amande, je vous aime. Je n'en connais ni soumise ni pute. Je n'en connais que les hirsutes. Oui, donc, je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir de si belles manières recentré le débat. Nous en avions bien besoin. Et encore une fois, bravo, chapeau, pour votre engagement à la fois artistique, mais également au service d'une cause de société comme la cause moustachue, n'est-ce pas? Je pense que désormais, sur des bases plus saines, nous pouvons aller de l'avant et écouter le prochain morceau qui ravira petits et grands, j'en suis sûre.